deuxième grande exploratrice de la semaine, exploratrice au sens géographique du terme, ou plutôt cosmographique, car grâce à ses travaux, nous savons un peu mieux où nous nous situons dans l'univers, à des distances assez vertigineuses, parce qu'après le système solaire, il y a notre galaxie, la Voie lactée, incluse dans un groupe local, lui-même compris dans un super amas, le super amas de la Vierge, qui est lui-même inclus depuis sa découverte par notre invité en 2014, dans un super amas encore plus vaste, nommé l'Aliakea, ce qui lui a valu d'être classé cette année dans les 50 personnalités les plus influentes de France. Hélène Courtois est notre invitée et la grande exploratrice avec qui nous allons passer l'heure qui vient. Bienvenue dans La Méthode Scientifique. Et bonjour Hélène Courtois. Bonjour. Mille merci d'avoir accepté notre invitation à cette semaine spéciale, donc consacrée, vous l'avez entendu, aux grandes exploratrices et aux grands explorateurs de notre présent, de notre monde contemporain. Vous êtes astrophysicienne, spécialisée en cosmographie à l'Institut de physique nucléaire de Lyon. Vous avez, avec vos collègues Daniel Pomared, Yehuda Hoffman et Richard Brentulli, défini notre nouvelle adresse cosmique, hein, si vous m'autorisez cette expression, l'Aliakea, un superamas galactique, sorte de supercontinent qui englobe le superamas de la Vierge, qui était le niveau supérieur auquel nous étions situés auparavant. On va y revenir largement au cours de cette heure. Mais avant cela, pour commencer, vous dites avoir été surprise par la popularité de l'accueil de cette découverte, de cette nouvelle adresse cosmique. C'est vrai. Et très récemment, on vient de découvrir qu'il y avait eu plus de 100 albums de musique qui porte le titre l'Aliakea et qui ont été créés depuis 2014 de partout, aux États-Unis, en France. Ça couvre aussi tous les domaines de musique, du jazz, du death metal. Et c'est vrai que ça nous a... On a beaucoup d'artistes avec qui on collabore. On a eu des artistes plastiques, visuels, mais de la musique, on n'en avait pas vu beaucoup. Et en fait, l'humanité s'est emparée de cette découverte. Et on se demande entre nous, Yehuda Hoffman de l'Université de Jérusalem m'a envoyé un petit mail il y a une semaine en me disant « Je pense que l'impact est plus important que la découverte elle-même. L'impact sur nos congénères, en fait. » Et du coup, on se pose la question. Alors nous, on a envie qu'il y ait quelqu'un qui fasse une thèse là-dessus. L'impact de l'Aliakea sur l'humanité. Et on se pose la question de savoir si c'est parce qu'on a commencé à répondre à une question qui est vraiment centrale pour l'humain, qui est de savoir où on est. Et je pense que la cartographie, depuis toujours, ça a été cette réponse-là. La cartographie, c'était d'abord pour retrouver les endroits dont on a besoin, retrouver une source d'eau, retrouver où sont les troupeaux d'animaux, la nourriture, retrouver et suivre ça avec les saisons. Donc je pense que les plus anciennes cartographies, c'est vraiment pour répondre à nos besoins humains. Mais la cartographie aujourd'hui de l'univers, je pense qu'elle répond exactement aux mêmes besoins. Dans un moment actuellement où il y a beaucoup de doutes, en fait, je pense que ça fait du bien de savoir, tiens, on habite là, on est tous l'Aliakéen. Et c'est vrai que, en tout cas, les artistes s'en emparent vraiment beaucoup. Et beaucoup la culture populaire aussi, on en retrouve des références dans certaines séries, dans certaines bandes dessinées, dans de la vulgarisation scientifique grand public. Oui, il y a même un avatar dans un jeu vidéo qui s'appelle l'Aliakea, le voyageur céleste. Il est vraiment très beau, très très bien dessiné cet avatar. Et c'est vrai qu'on en voit de partout, c'est très agréable en fait. Avant de plonger dans vos travaux, Hélène Courtois, et justement dans ce super continent cosmologique, on va parler un peu de votre début de carrière. Quel est, selon vous, et c'est pas une question forcément simple, quel est le point de départ dans vos études qui vous attire, on pourrait dire le grand attracteur dans votre carrière vers l'astrophysique? Alors c'est vrai que dans mes études, ça a été vraiment en DEA. Donc ce qui s'appelle aujourd'hui le M2, on avait un professeur qui nous parlait des galaxies. Et moi, quand on a commencé à me parler des galaxies, donc j'étais déjà en astrophysique, je faisais un débat d'astrophysique, mais vraiment les planètes extrasolaires, par exemple, c'était le tout début, les étoiles, la mort des étoiles, ça me faisait pas un peu ni chaud ni froid, on va dire. Par contre, quand j'ai commencé à découvrir les galaxies, j'ai trouvé ça beau. vraiment très très beaux en fait. Et je les trouve tous les jours très très belles. À chaque fois, j'ai tous les matins quand j'ouvre mon ordinateur et que je me connecte et que je regarde ce qu'on a observé la nuit ou quand je suis en train d'observer une image d'une très belle galaxie sur un écran, je me dis mais je fais le plus beau métier du monde. C'est parce que je vois des choses belles, je suis entourée d'un très bel univers. Et donc j'en suis convaincue, la beauté de la chose a beaucoup joué. Et après, le mystère autour de ces déplacements, quelle est la loi de la nature qui crée les déplacements dans l'univers, qui crée l'architecture de l'univers. On n'habite pas dans un univers qui est homogène, qui est soporifique en fait. On habite dans un endroit qui est très complexe et essayer de remonter à comprendre les lois qui créent cette complexité, c'est vrai que ça a été vraiment, ça a attisé ma curiosité. Donc ça c'était, j'avais 22, 23 ans là et c'était vraiment... Et avant ça, je pense pourquoi je suis partie dans des études de physique. C'est vraiment la même question, c'est le besoin de comprendre comment ça marche. En fait, juste de regarder les choses marcher, pour moi, c'est pas suffisant. Et c'est vrai que j'aime bien comprendre quels sont les mécanismes à l'intérieur. Et je suis d'une nature assez contemplative. Donc, moi, quand je regarde la mer, en fait, je regarde les vagues, je me pose des questions, d'où viennent ces vagues? Mais je mets longtemps, je regarde et j'imagine. Et c'est vrai que je me rappelle très bien de avant mes études de physique où j'étais comme ça sur la terrasse en train de regarder le ciel et je trouvais que la lune c'était beau, les étoiles c'était beau et je me disais mais comment ça marche tout ça? Ça c'est vrai qu'il y a des réminiscences de moments d'attention où j'allais chercher une paire de jumelles, mais qui a des jumelles autour de moi pour essayer de voir mieux la lune, essayer de voir mieux les couleurs des étoiles, des choses qu'on peut voir. Hein. Mmh. Après, on se pose des questions. Pourquoi il y en a une qui est orange? Pourquoi il y en a une qui est bleue? Les questions viennent naturellement par l'observation, en fait. Et sur les galaxies, à propos de l'étude des galaxies, au moment où vous commencez, enfin, vous vous lancez justement dans l'étude des galaxies, on est début des années 90, on commence à avoir des informations, mais c'est encore très parcellaire sur les galaxies, sur l'expansion de l'univers, sur les mécaniques derrière cette expansion, justement. Vous arrivez au moment où on commence à lever progressivement le voile sur le sujet précisément des galaxies. Oui, tout à fait. En fait, à ce moment-là, on ne sait pas encore trop si l'univers a une expansion qui est capable d'empêcher la gravitation ou pas. Et il y a une équipe, donc les Sept Samouraïs, une équipe d'Américains dans la fin de ces années 80-90, qui déclare qu'eux sont capables de mesurer les mouvements des galaxies, les mouvements gravitationnels, pas les mouvements dus à l'expansion. Et en fait, ils ont été appelés les Sept Samouraïs par une personne, un professeur très renommé qui était là dans l'assistance, qui s'est levé et qui leur a dit « Tout ce que vous racontez, c'est faux. Vous êtes en train de suicider votre carrière scientifique et donc on va vous appeler les Samouraïs. » Et maintenant, on va repasser à la question essentielle qui est la constante de Hubble. Quelle est la vitesse d'expansion de l'univers? Et ça, c'était une équipe qui était emmenée à l'époque par Sandra Faber, qui est une astrophysicienne américaine, qui a eu cette année le prix Gruber de cosmologie en 2017. C'est la plus grande récompense qu'on peut avoir en cosmologie. Donc c'est pour dire que c'était peut-être pas faux ce qu'elle faisait. Ils se sont pas complètement trompés. Voilà, comme autre petite anecdote, c'est quand même la dame qui a réparé le télescope spatial Hubble, c'est la dame qui a construit les télescopes, le plus grand télescope du monde, les télescopes Keck à Hawaï, c'est la dame qui a eu la médaille d'honneur des États-Unis par le président Obama. Donc je pense que la suite a montré qu'elle avait quand même raison sur pas mal de choses. Et en tout cas, moi, quand je faisais mes études, effectivement, je suis arrivée à ce moment-là, où on commençait à dire, eh ben, l'univers n'est pas statique. Alors, du temps d'Einstein, Einstein ne savait pas qu'il habitait dans une galaxie, il savait pas qu'il y avait des galaxies à l'extérieur. Moi, quand je suis arrivée étudiante, on savait qu'il y avait des galaxies à l'extérieur de la nôtre. On commençait à faire des cartes statiques, à peu près où est-ce qu'elles sont, mais on ne savait pas qu'elles bougeaient, en fait, sous l'effet de la gravitation. Et à cette époque-là, les Sept Samouraïs ont dit, mais le problème, c'est qu'elles bougent toutes, y compris la nôtre, mais surtout, elles vont toutes dans la même direction et à une vitesse faramineuse. Et dans cette direction-là, on ne voyait rien. Et donc, il y avait un mystère qui entourait cette science-là. Moi, c'est vraiment cette curiosité qui a été attisée, parce que quand même, faire bouger des masses comme des galaxies, c'est pas des petites masses, il faut un objet très très lourd. Et la seule loi qu'on connaisse qui peut faire ça, c'est la gravitation. Sauf que la gravitation, on ne sait pas du tout ce que c'est. Et c'est l'apparition de la notion de grand attracteur. Hein. Ces sept samouraïs, ils vont cartographier le déplacement et la vitesse de déplacement d'environ 400 galaxies. Vous allez vous inscrire, vous, c'est ce défi intellectuel, parce que le grand attracteur, on va en parler largement, c'est une notion, un concept. Même aujourd'hui encore, on a des hypothèses, mais on n'a pas de réponse ferme. Pourquoi vous inscrire dans ces travaux de ces sept samouraïs? Quel est le défi intellectuel qui vous a séduit, Hélène Courtois? Alors c'est vrai que moi, en cours, quand on m'a parlé du grand attracteur, moi ça a fait tilt tout de suite, j'ai dit je veux faire ma thèse sur ça, je vais me lancer dans cette course, il n'y a pas de raison. Alors il y avait une graine en France, hein. Il y avait une petite équipe qui travaillait là-dessus, de deux astrophysiciennes à Paris, Lucienne Guggenheim et Lucette Bottinelli, un astrophysicien à Lyon, Georges Paturel. Donc il y avait une équipe française dans la course, il y avait une équipe australienne emmenée par Don Mathewson, et puis il y avait cette équipe américaine. À cette époque, la coopération internationale, c'était pas gagné, hein. Et donc, chacun, en fait, travaillait un petit peu dans son coin et se montrait pas trop les résultats. Et donc, moi, j'ai fait ma thèse dans cette équipe avec Georges Paturel. Et il se trouve que le grand attracteur, on ne peut pas l'observer depuis l'hémisphère nord. Parce que, bien sûr, depuis l'hémisphère nord, ici en France, ou tous les télescopes de l'hémisphère nord, on voit que la moitié de l'univers, en fait, la moitié du ciel. Et le grand attracteur, il est caché derrière la Voie lactée, pas très loin du bulbe de notre galaxie. Donc en fait, on habite dans une galaxie, vous l'avez dit en introduction, on habite assez en périphérie, notre système solaire, et tant mieux. Dans le bras d'Orion. Dans le bras d'Orion. Ça nous permet, si on regarde vers l'extérieur de la galaxie, ça nous permet de bien voir l'univers, parce qu'on n'a pas beaucoup d'étoiles de notre galaxie qui nous empêche de voir. Par contre, quand on se tourne du côté du centre de la galaxie, donc on regarde vers l'intérieur, le grand attracteur est situé là derrière. Derrière, à l'extérieur de notre galaxie. Sauf qu'il y a tout ce centre de la galaxie et donc cette grande trace dans le ciel qu'on appelle la Voie lactée, qui est beaucoup plus forte dans l'hémisphère sud, parce qu'on voit vers le centre de la galaxie dans l'hémisphère sud. Et donc, j'ai dit à mon directeur de thèse, je viens faire une thèse avec toi, mais pas vraiment, parce que je veux partir en Australie. Pour aller, parce qu'il me faut les télescopes du Sud. Et donc, c'est comme ça que je me suis inscrite dans cette course. Et en particulier, moi, la réponse que je voulais apporter, c'était une réponse observationnelle. Et c'est ce qui m'intéresse dans la vie. C'est observer, aller au télescope, mesurer les choses. Et passer de 400 galaxies à, dans ma thèse, j'en avais à peu près 1400, 1800 galaxies à la fin de ma thèse dans les années 95. Mais le résultat, à la fin des années 95, c'est qu'on n'avait toujours pas compris le grand attracteur. Même si on avait agrandi la cartographie, on voyait toujours ce flot de galaxies aller dans cette direction. Donc c'était une confirmation de cette présence du grand attracteur. C'était une confirmation que ça semblait être dans cette zone qui est masquée à notre vue, qu'il est vraiment difficile de cartographier, mais qu'aujourd'hui, on essaye d'espionner par différentes méthodes. Mais en tout cas, on n'avait pas de réponse. Et surtout, on était face à un problème technologique. C'est que nos télescopes n'étaient pas assez puissants. Et donc, le domaine, en fait, s'est assoupi. Parce que personne ne pouvait rien faire. C'était ni l'équipe française, ni l'équipe américaine, ni l'équipe australienne qui allait résoudre le problème parce qu'on n'avait pas les télescopes pour. Ça a été une grosse déception. Hein. Ça a été vraiment, il y a eu une conférence dans la fin des années 90 sur le grand attracteur. Et dans le jargon, on dit que ça a tué le sujet. Tout le monde s'est dit, il y a eu un statu quo en disant, mais on n'y arrivera jamais en fait. Et donc la plupart des gens se sont mis à travailler sur d'autres choses, et en particulier à cette époque-là, est arrivée la notion d'expansion accélérée de l'univers. Et donc, plutôt que de continuer à travailler sur les mouvements gravitationnels, eh ben, on s'est remis à travailler sur les mouvements d'expansion. Ce qu'il faut bien préciser, hein, on peut le faire maintenant, Hélène Courtois, que calculer la vitesse de déplacement d'une galaxie, ce sont des calculs complexes parce qu'il y a deux paramètres à prendre en compte, l'attraction gravitationnelle d'une part et l'expansion de l'univers d'autre part. Et on arrive effectivement, vous le disiez tout à l'heure, à des vitesses vertigineuses. Oui, tout à fait. Alors, il faut vraiment imaginer que si on prend une table de bistrot à carreaux. Et en fait, elle est stretch. Elle est donc, tendue. On peut l'étirer. On pose deux boules dessus assez massives. Ces deux boules, elles ressentent l'attraction gravitationnelle l'une par rapport à l'autre. Et donc, elles ont très envie de se rapprocher. Mais l'expansion d'univers, c'est que la table dessous, les carreaux, en fait, s'étendent en permanence. Et donc, ces boules, elles vont réussir peut-être à se rapprocher si elles sont suffisamment proches, parce qu'en fait, la loi d'expansion dans l'univers est proportionnelle à la distance entre les deux objets. Donc, prenons un autre exemple plus concret. Nous, on habite dans une grosse galaxie. La Voie lactée, c'est une galaxie magnifique, spirale. Et juste à côté de nous vit une autre grosse galaxie spirale. Alors, quand deux gros acteurs... Andromède. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, on est tellement deux grosses galaxies qu'on va se rentrer dedans. En fait, quand on mesure les mouvements gravitationnels de ces deux galaxies, l'une vers l'autre se rapproche de façon sûre et certaine. Mais il y a l'expansion de l'univers dessous. Sauf qu'on est déjà tellement proche que la vitesse d'expansion entre nous, elle est plus petite que, en fait, cette force d'attraction. Donc, localement, la gravitation gagne. Par contre, à grande échelle, quand les galaxies sont très éloignées les unes des autres, elles ressentent toujours les attractions gravitationnelles parce que c'est une force à longue portée. Mais l'expansion gagne. Donc, en fait, c'est un jeu d'équilibre. Un jeu de tir à la corde, un peu de compensation entre gravitation et expansion, et c'est ce qui crée l'architecture dans l'univers. Et autour de nous, il y a d'autres galaxies qu'on est en train de cannibaliser. Donc, c'est pour ça que je vous disais, on est une grosse galaxie, on le sait que ça se passe, on l'observe en fait, il y a une galaxie, on ne voit plus le noyau, on ne voit plus qu'un bras qui sort encore de notre galaxie, mais elle est déjà passée. Alors ça passe à travers nous plusieurs fois sous l'effet de la gravitation, c'est comme des champs de marée, on va collisionner avec un objet, ça va passer à travers notre galaxie, ça va revenir, puis petit à petit ça va s'homogénéiser, on va tourner ensemble. Et les galaxies, c'est plein de vide. C'est comme des nuages, on appelle ça une dimension fractale. Il y a plus de vide que de plein. Donc en fait, quand deux nuages se rendent dedans, il ne pleut pas forcément. Et ça va faire un gros nuage, voilà. Alors deux galaxies, c'est pareil, quand deux galaxies se rendent dedans, en fait les étoiles et les nuages de gaz se mélangent, mais un système planétaire comme nous, notre étoile et puis nos planètes, ne vont pas être perturbées du tout. En fait, elles vont partir dans un autre mouvement. Donc ça va déplacer... notre vision des étoiles, ça c'est sûr, ça change notre ciel étoilé, ça déplace notre position peut-être dans la plus grosse galaxie, mais localement ça déplace pas du tout notre système solaire, ça le perturbe pas. Milcomède, la future galaxie, alors on peut rassurer nos auditeurs, c'est pas pour tout de suite, non. On ne sera pas là pour le voir. Ah, c'est dommage. Et de toute façon, quand bien même on serait là, vraisemblablement il y aura plus grand monde sur Terre, parce que ça, on parle de 4 milliards d'années, entre 4 et 6 milliards d'années pour la fusion entre la Voie lactée et Andromède, c'est bien ça? C'est ça, donc c'est après en fait la mort de notre étoile et de notre planète. C'est dommage d'ailleurs qu'on soit pas là, parce que les galaxies, quand elles se rendent dedans, on en voit plein des images, c'est très très beau à voir deux galaxies en train de fusionner, ça fait des flambées d'étoiles, c'est des feux d'artifice, donc en fait c'est assez joli. Ça peut être cataclysmique à certains endroits, mais ça fait des générations de plein de nouvelles étoiles. Donc, on renaîtra peut-être nous-mêmes de nos cendres et de nos atomes dans une nouvelle étoile de cette nouvelle galaxie. Donc, peut-être qu'on le verra sous une autre forme, parce que des atomes restent. Hein. On est en recyclage permanent. Donc, nous, on est déjà issus de 2 à 3 générations d'étoiles, les atomes de notre corps, hein, nous-mêmes. Et c'est certain qu'on sera... recyclé dans d'autres étoiles plus tard. Donc. La méthode scientifique, Nicolas Martin. On va reprendre le fil de votre parcours et de votre carrière en cosmographie. Hein. Vous disiez effectivement, on arrive à cette impasse de se dire, bon, à l'heure actuelle, les télescopes ne sont pas suffisamment performants pour avoir suffisamment plus d'informations sur ce grand attracteur et pour mieux cartographier notre univers proche et un peu plus lointain. Par ailleurs, vous tombez aussi sur une tuile qui fait que les télescopes qui vous intéressent y en a un qui s'est effondré et l'autre qui est en rénovation. La modernisation du télescope Parkes dont vous parliez en Australie et un autre télescope est en chantier. Ce qui fait que vous allez faire un peu de... Ce qui va vous servir par la suite, un peu de... d'algorithmique. Vous allez travailler un peu les calculs, travailler un peu les prévisions, parce que vous dites beaucoup aimé l'observation, mais la prévision, les modèles mathématiques, c'est aussi très important, et on va le voir pour la suite de votre carrière. Oui, tout à fait. Mmh. Alors, c'est ce qu'on appelle faire des simulations numériques. Donc, c'est... Moi, il y a une ancienne pub, quand j'étais enfant, qui passait à la télé, qui m'a toujours marqué. C'était « En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». Je sais pas ce que c'était cette pub, donc je sais pas. Même si c'est pas une chanson de Michel Sardou, pour tout vous dire, Hélène Courtois. Mais moi, ça m'a marqué parce que je me suis dit que c'est souvent le cas en recherche, donc c'est un leitmotiv en fait. Il y a très souvent où on n'a pas assez de financement, où on n'a pas d'instruments, où les instruments sont cassés. Comme en ce moment, Arecibo est cassé depuis les ouragans. J'ai perdu le nom. Est-ce que c'était Irma ou c'est Maria, plus, Maria qui voilà. Donc il est plein d'eau, il est cassé. Il pompe, il y a des shaddocks qui pompent, mais il y a de l'eau qui revient. C'est une catastrophe. Et donc, quand on n'a plus d'instruments et quand on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un truc qui ne coûte pas très cher, c'est faire des calculs. Et faire des calculs, donc à cette époque, on nous parle d'une expansion accélérée dans l'univers. Donc, avec les supernovas, on trace toujours cette loi de Hubble, donc cette relation de proportionnalité, distance-vitesse. Plus on est distant, plus on va vite, on s'éloigne les uns des autres. Et des personnes qui ont eu le prix Nobel, Perlmutter, tout ça, trouvent que finalement, c'est pas si proportionnel que ça. Et vers la moitié de l'âge de l'univers, depuis la moitié de l'âge de l'univers, en fait, ça va plus vite qu'une expansion monotone, tranquille. Alors, on connaît d'autres épisodes dans l'histoire de l'univers où il y a eu des expansions comme ça rapides, des à-coups dans l'expansion, puis après ça s'est calmé. Et là, on serait dans un deuxième ou troisième à-coup, je ne sais pas. On n'a pas toute l'équation temporelle, donc on ne sait pas encore bien expliquer l'expansion. Mais en tout cas, effectivement, à cette époque-là, je me suis mis à travailler sur les supernovas comme indicateur de distance, toujours. Donc ça reste dans le même esprit de cartographier mon habitat céleste et de mesurer tout ce qu'il y a autour de moi et de faire vraiment de l'observation. Mais les simulations numériques nous permettent de faire des calculs qu'on n'est pas capable de faire à la main. En fait, les simulations numériques, il n'y a rien de magique. On met tous les ingrédients, on retrouve à la fin ce qu'on a mis au début. Donc, on met une loi de la gravitation qu'on écrit d'une certaine façon, par exemple à l'Einstein, ou une autre, une loi de gravitation modifiée, si on a envie. On met de la matière noire. Alors, moi, j'aime pas ce mot. Je dis de la matière transparente ou de la matière invisible, parce que si elle était noire, on la verrait. Ça serait facile, elle serait opaque. Donc, c'est de la matière qui nous manque, de la matière invisible. On met des particules, on met de l'expansion, on met tout ça et puis on laisse calculer. Parce que par contre, ce que peut faire un ordinateur et ce que nous, on ne peut pas faire, enfin on pourrait le faire, mais si on passait notre vie à ça, c'est calculer toutes les interactions de toutes les galaxies. Et quand on veut faire ça sur des millions et des millions de galaxies, ben faire toutes les forces, avancer d'un pas de temps, faire toutes les forces, avancer d'un pas de temps, c'est infernal. Donc les simulations numériques cosmologiques, ça nous permet de faire ça. Ça nous permet de faire une recette de cuisine. On met tous nos ingrédients, on laisse s'écouler le temps et on observe l'univers à la fin. Et quand on a ça, c'est ce qu'on appelle des cartes virtuelles. On les compare aux cartes observées et on regarde. Par exemple, j'ai calculé un univers qui n'est pas assez mature. Les structures, les filaments de galaxies, les vides sont encore beaucoup, il y a beaucoup de matière, les structures sont mal définies. Je regarde ma cartographie réelle, observée, et je vois que non, aujourd'hui, quand il y a un filament ou quand il y a un vide, le vide est très vide. Donc je me dis, bon ben, soit j'ai pas le bon âge d'univers, c'est-à-dire que mon calcul n'est pas allé assez loin, soit j'ai pas mis assez de matière parce que la gravitation n'a pas assez joué pour mieux définir les structures. Et donc c'est comme ça, c'est une sorte de bac à sable pour les astrophysiciens en fait, les simulations numériques. Mais ça nous sert bien parce que on fait pas que ça pour passer le temps en attendant que les télescopes soient construits. En fait, on fait des prédictions de comment il faut designer un survey observationnel, parce qu'après, quand le télescope est prêt, on part pas à l'aventure comme ça, faire des observations. En fait, on est en compétition. Il y a tellement peu de télescopes que tout le monde demande du temps d'observation. Et donc, on écrit une justification scientifique pour dire, voilà, moi, Hélène, j'ai envie d'observer cette partie de l'univers parce que je pressens qu'il y a quelque chose à comprendre sur la gravitation là. Et on va me retoquer, on va me dire, il y a 90% des demandes de temps qui échouent, hein, parce qu'il n'y a pas assez de temps pour tout le monde. Donc, par contre, une astronome française peut demander sur un télescope australien, même si la France n'a pas mis un euro pour fabriquer ce télescope, parce que c'est au mérite scientifique. Donc tous les télescopes du monde sont à tous les astronomes du monde. Ça, c'est un super niveau de travail international que j'aimerais que tout le monde vive dans son métier, parce que c'est assez fou. Et il faut expliquer, il faut être aussi pédagogue dans son explication, il faut être scientifique. Et après, il faut aussi expliquer que quand on prend du temps de télescope, ça va servir à d'autres. C'est-à-dire que moi, quand j'observe une galaxie, que je mesure son spectre, ce spectre, je le donne dans une base de données le lendemain, immédiatement, qui est accessible sans mot de passe à tout le monde. Donc si les gens n'ont pas eu le temps de télescope, ils peuvent quand même reprendre la donnée et s'en resservir pour leur recherche. Alors ces simulations numériques, elles nous permettent de préparer nos observations. C'est-à-dire qu'on va faire plein de calculs, on va dire, voilà, si c'est de la gravitation normale, dans un vide, je devrais observer tant de galaxies qui ont ce type de vitesse. Si c'est de la gravitation modifiée, dans ce vide, je devrais observer tant de galaxies qui ont cette vitesse. Et donc, je propose à un survey observationnel de, finalement, j'en ai besoin de 10 ou j'en ai besoin de 100 de galaxies parce que j'ai testé. Et si vous me donnez tant d'heures, je pourrais discriminer entre telle théorie ou telle théorie de la gravitation. Donc, en fait, ça nous permet de nous préparer, d'aiguiser nos arguments et de faire avec le minimum, donc on revient à quand on n'a pas de pétrole, de faire avec le minimum de temps qu'on va nous accorder sur les télescopes, le maximum de science en fait. Ce qui va vous amener justement grâce à ces modèles à retourner au télescope et à l'observation au milieu des années 2000, où vous travaillez donc avec Herbren Tully au sein du groupe Cosmic Flows que vous fondez avec lui, qui va aboutir à la découverte que l'on sait. Peut-être avant de dire en quoi c'est important et pourquoi c'est important, peut-être qu'il faut refaire un peu de cartographie, puisque je le disais dans l'introduction, il y a différents continents, on va dire, en cosmographie, et jusqu'à présent, jusqu'à ce que vous postuliez l'existence de ce super amas Laniakea, on s'était arrêté à une situation dans l'espace qui est le super amas de la Vierge. Oui, tout à fait. Alors, donc on a bien expliqué qu'on habite sur une planète qui tourne autour d'une étoile, hein, le Soleil, et quand il y a 200 milliards d'étoiles, ça fait une galaxie. Voilà, donc à partir de maintenant, on oublie le monde des étoiles et on passe dans l'univers extragalactique, en dehors de la galaxie. Alors une galaxie, il y en a aussi des milliards et des milliards dans l'univers. Mais ça vit dans des structures. Alors quelles sont les structures? Donc on comprend bien qu'une planète, ça vit autour d'une étoile, les étoiles vivent dans les galaxies. Et dans quelles structures vivent les galaxies? Alors dans notre cas, nous vivons avec un cortège de petites... On est une grosse galaxie et on a un cortège de petites galaxies autour de nous, une trentaine, une cinquantaine, on en découvre tout le temps. Parce qu'elles sont toutes petites, donc il faut vraiment les repérer à travers les étoiles et elles sont proches de nous. La toute dernière a été découverte il y a quelques mois à peine. Oui, oui, oui. Et c'est tout mignon d'ailleurs. C'est des petites galaxies. Alors, j'aime pas du tout le nom qu'on leur donne. On les appelle des galaxies naines, mais en fait, c'est des galaxies à faible brillance de surface, en réalité. Ou des petites galaxies toutes mignonnes, des ensembles d'étoiles, parfois avec du gaz, parfois sans gaz. Elles sont toutes différentes les unes des autres. Donc ça, une galaxie, en fait, on voit qu'elle vit pas toute seule parce qu'elle attrape gravitationnellement les autres autour d'elle. Et après, on voit que nous, on vit avec Andromède, cette deuxième grosse galaxie qui est par là, qui a aussi un cortège. Donc ça, on appelle ça un groupe. Quand on est 2, 3, 10, c'est un village, en fait. Voilà, ça, c'est un groupe de galaxies. C'est le groupe local. C'est le groupe local. Et après, qu'est-ce qu'il y a comme autre structure? Pas très loin de nous, il y a l'amas de la Vierge. Alors l'amas de la Vierge, c'est un endroit où je ne sais pas s'il fait bon vivre, parce que là, il y a 1000 galaxies qui vont dans tous les sens. Et par exemple, sous l'effet de l'expansion, un amas de galaxies ne peut pas se disperser. Parce qu'il y a tellement de gravitation, il y a tellement de galaxies là-dedans qu'elles volent dans tous les sens, mais elles ne s'échapperont jamais de cet endroit-là. Alors ça, c'est une sorte de ville, une métropole. Disons que c'est Paris, ça. Donc voilà, les gens sont fous, vont dans tous les sens. Et puis nous, le groupe local, c'est un peu une ville de campagne. On fait bon. Voilà. On connaît notre voisin. On a même des voisins sympas à côté. Voilà. Alors, je prends ces analogies parce que entre ces endroits-là, il y a des routes, en fait. Il y a des routes de campagne et puis il y a des autoroutes sur lesquelles qu'on emprunte et qui vont beaucoup plus vite. On différencie les rivières gravitationnelles dans l'univers par aussi la vitesse par laquelle les galaxies les empruntent. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a après? Donc des groupes, des amas. Alors depuis une quarantaine d'années, il y avait l'hypothèse du super amas. Alors au début, dans le premier article originel par Gérard Devaucouleur, qui était un Français qui a immigré au moment de la guerre aux États-Unis. Il parlait de la super galaxie, en fait, pour parler du super amas local. Et donc, pour lui, de nous à l'amas de la Vierge, il comprenait bien qu'on avait notre petit mouvement avec Andromède et qu'après, ce groupe local était attiré. C'est toujours les mouvements, en fait, qui définissent les objets. Et donc, ce groupe local est attiré vers l'amas de la Vierge, qui est très, très lourd. Et puis, voilà, c'était à peu près ça, le super amas local. Moi, quand j'ai commencé ma thèse, on m'a expliqué, voilà, le super amas local, c'est ça. Alors, quand j'ai commencé ma thèse, Omega Mater, c'est-à-dire le paramètre de densité de la matière valait 1, donc tout l'univers était sous forme baryonique, il n'y avait pas de matière invisible, il n'y avait pas non plus encore de planète extrasolaire. Donc les choses changent très très vite, pas qu'en cosmologie. Il n'y avait pas de matière noire, il n'y avait pas d'énergie noire encore. Non, il n'y avait pas d'expansion dans l'univers, mais c'est surtout, il y avait un truc qui m'a marqué, moi, c'était les planètes extrasolaires, parce qu'il s'est trouvé que j'étais à l'Observatoire de Haute-Provence, une des nuits où Michel, j'ai perdu son nom juste maintenant, le découvreur des premières planètes extrasolaires était là et faisait des expériences. Et pareil, les gens, ce soir-là, on se retrouvait donc au déjeuner, qui a lieu à minuit, une heure, hein, donc au milieu de la nuit, on se retrouve, et les gens lui disaient, mais non, c'est pas possible, les courbes de lumière que tu observes sur ton spectro... C'est sur Pegasus B. Hein. On connaît pas de, voilà, et on connaît pas de planètes en dehors de notre système solaire. Et moi, à chaque fois que quelqu'un dit, non, non, c'est pas possible, j'ai tendance à dire, mais ce gars-là, ça doit être un précurseur. Et effectivement, il avait bien trouvé ça. Bref, donc ça va très très vite. Et à l'époque, effectivement, le super amas, c'était de nous, pas très loin derrière nous, en fait, parce que on est derrière nous, après, il y a un grand vide, en fait. Donc on est à nouveau, on est des vrais banlieusards hein, dans la vie. Des banlieusards dans la Voie lactée, voilà. Et dans le super amas de la Vierge. Dans le super amas de la Vierge, dans la Voie lactée, dans notre galaxie, je ne sais pas pourquoi, mais tant mieux, parce qu'on peut observer l'univers, en fait. À chaque fois, je me dis, mais on est une position d'observateur. Donc, D'ailleurs, c'est ce qui nous différencie. Je me dis, c'est une phrase qu'il y a dans le dernier livre d'Hubert Reeves qui s'appelle Méditation cosmique, Le banc du temps qui passe. Il a cette phrase qui dit « Je pense que ce qui nous différencie du reste de la matière vivante, c'est qu'on se pose des questions sur notre univers, en fait. » Et il a une phrase où il a une relation amicale avec son chat et il se dit « Ce chat qui m'observe et que j'observe, est-ce que lui, il se pose des questions sur sa place dans l'univers ?» Mais en fait, je pense que c'est vrai que cette place... C'est vraiment une grande question et je suis contente de pouvoir commencer à dire « Mais attendez, oui, on sait où on habite. Laissez-moi vous montrer notre petit coin d'univers qui est vraiment en plus assez joli. C'est comme une jolie campagne verdoyante, donc avec des belles galaxies, des acteurs moins sympathiques aussi, vers lesquels on n'a pas trop envie de se diriger. » Mais donc, le super amas local, il faisait à peu près de nous à l'amas de la Vierge. Alors ça, c'est quelques... On n'a pas donné d'échelle de distance pour l'instant, mais ça, c'est quelques millions d'années-lumière. C'est tout petit dans l'univers. Hein. Une galaxie comme la nôtre, c'est 100 000 années-lumière de diamètre. Donc, ça, les années-lumière, c'est... si on envoie un message qui voyage à la vitesse de la lumière, il va mettre 100 000 ans. À aller d'un bout à l'autre de la Voie lactée. Voilà, donc ça c'est 100 000 années-lumière. C'est une distance. Et les cartes qu'on a produites, donc pourquoi on a trouvé plus loin que l'amas de la Vierge et le super amas, c'est parce qu'en fait on a fait une carte qui est 100 fois plus grande que cet espace-là pour chercher le grand attracteur. Et on arrive à la Niakea et à votre publication avec vos collègues en 2014, dont on reparle tout de suite. Thank you. l'un des nombreux morceaux baptisés du nom de notre place dans le cosmos à l'Agnakéen, ici interprété par Thomas William Hill, puisque nous recevons aujourd'hui et tout au long de cette heure Hélène Courtois, qui est notre deuxième grande exploratrice de la semaine. Hélène Courtois, qui est astrophysicienne et qui est spécialiste de cosmographie, qui a donc, vous l'avez entendu tout à l'heure, pointé notre place dans le cosmos au-delà du superamas de la Vierge. Ce qu'il faut bien comprendre, Hélène Courtois, c'est, vous l'avez exprimé tout à l'heure, plus on monte en échelle, plus il est difficile de définir un ensemble, parce que précisément, eh bien, l'attraction gravitationnelle devient de plus en plus ténue et les structures donc de moins en moins délimitées. Or, à la question jusqu'où s'étendent les amas de galaxies, eh bien, il y a des éléments de réponse. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas. Bonjour Hélène Courtois. Bonjour. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Voilà, vous avez donc sorti votre double décimètre pour essayer de mesurer tout ça, mais ça n'était pas la bonne échelle. Non, pas du tout, malheureusement. J'ai rencontré par contre quelqu'un qui est très doué pour mesurer les amas de galaxies, c'est Gary Mamon, qui a coordonné une étude qui a permis de mesurer l'étendue des amas des galaxies, et plus précisément avec son équipe, ils ont mesuré le profil de densité intrinsèque des amas de galaxies. Alors pour le dire vite, et je parle sous votre contrôle Hélène Courtois, le profil de densité d'un amas de galaxies, ça correspond au nombre de galaxies par unité de volume, en fonction de la distance au centre. Tout à fait. Bon, 10 sur 10, je suis content, j'ai passé mon diplôme. Jusqu'à présent, on avait du mal à mesurer la taille des amas de galaxies, parce qu'à cette distance, on confondait souvent certains amas avec de petits amas voisins. Et surprise, grâce à Gary Mamon et son équipe, on a découvert que les amas de galaxies sont 10 fois plus grands que ce qu'on prévoyait. Donc, il nous explique comment son équipe en est arrivée à cette découverte et ce que cela ouvre comme perspective pour la recherche sur les amas de galaxies. Un amas de galaxies, ce sont des ensembles de galaxies. Alors déjà, les galaxies, c'est des milliers à des centaines de milliards d'étoiles. Et grâce à la gravitation, les galaxies, non seulement assemblent leur étoile, mais elles s'assemblent elles-mêmes en groupes et en amas. Donc notre galaxie est dans un petit groupe autour, avec les petites galaxies naines qui tournent autour. Et puis, donc, mon travail, on va en parler, s'intéresse à toutes les structures des petits groupes jusqu'aux grands amas de galaxies. Qu'est-ce qu'on appelle un profil de densité de galaxies ? Alors, on aimerait bien savoir comment sont distribuées les galaxies dans ces groupes et dans ces amas. Eh bien, on sait que, à la fois par les observations et par les simulations numériques, on sait que les galaxies sont plutôt concentrées au centre de ces structures qu'on appelle les amas. Et donc, on aimerait bien mesurer le nombre de galaxies par unité de volume, et on voudrait connaître cette densité, comment elle varie en fonction de la distance au centre. Et donc on suppose quelque part une symétrie sphérique qui au premier ordre n'est pas une mauvaise approximation. Alors le modèle NFW, qui sont les abréviations de trois chercheurs, Navarro, Frank et White, c'est le modèle considéré comme universel qui, dans les simulations numériques sans gaz, donc avec que des particules de matière noire, caractérise très bien les profils de densité des structures qu'on voit dans des simulations de grands blocs d'univers qui commencent à l'univers primordial et qui évoluent jusqu'à aujourd'hui. Et c'est universel parce que ça dépend très peu de la masse de la structure. Ils ont tous le même profil de densité et ce profil tombe en fonction de la distance. Donc elle est caractérisée par ces deux pentes qu'on appelle moins 1 et moins 3. Jusqu'à votre étude, on ne savait pas exactement jusqu'où s'étendent les amas de galaxies. Pourquoi ça ? La difficulté de connaître l'étendue des amas de galaxies, c'est que quand on va au-delà de leur rayon d'équilibre, on commence à rencontrer d'autres petits groupes de galaxies. Et donc nous, notre parti pris a été, est-ce qu'on peut déterminer les profils intrinsèques de densité en soustrayant les structures avoisinantes ? Donc nous avons assigné dans les simulations chaque galaxie à l'amas le plus proche, pas en unité physique, mais en unité relative à l'amas le plus proche, donc à sa taille. Puis on l'a fait aussi sur les observations, ce qui est un peu plus complexe, mais en assignant chaque galaxie à l'amas le plus proche, on se restreint au profil de densité intrinsèque de ces amas. Et on est allé très loin, on est allé jusqu'à une vingtaine de rayons qui étaient à peu près le rayon maximal auquel on s'était arrêté avant. Généralement, maintenant, on aime bien faire des simulations dites cosmologiques. Alors des simulations cosmologiques, c'est des simulations où on part d'un univers assez primordial. On commence typiquement avec un univers qui faisait un centième de sa taille actuelle, avec un âge qui correspond à quelques centaines de millions d'années d'âge, alors qu'aujourd'hui il a 14 milliards d'années. Et à ce moment-là, l'univers est presque homogène avec des plus toutes petites fluctuations de densité de l'ordre de 1%. Et après, on fait évoluer cet univers avec la force qui domine complètement à ce niveau-là, qui est la gravitation. Et donc, on a un univers en expansion, donc c'est les conditions initiales, avec des fluctuations de densité qui correspondent à nos idées théoriques sur quelles doivent être ces fluctuations de densité et qui ont été confirmées de façon assez superbe par les observations du satellite européen Planck, qui a cartographié le fond diffus micro-ondes, fond diffus cosmologique. Et après, on évolue avec la gravitation et on utilise une petite astuce qui est qu'on simule tout ça dans un cube qui est périodique à ses frontières. Donc si une particule arrive au bord du cube, il revient de l'autre côté du cube. Et donc ça nous permet à simuler un univers quasiment infini. À partir de cette étude, qu'est-ce qui nous reste à découvrir sur les amas de galaxies et comment votre étude va permettre justement d'avancer dans ces recherches ? On s'intéresse beaucoup, non seulement donc aux propriétés des galaxies dans les amas, mais on essaie d'aller plus loin pour comprendre quels sont les processus physiques. Et nous sommes en train de terminer un travail sur la fraction de galaxies fertiles en fonction de la distance au centre de leur groupe ou amas, en allant très très loin jusqu'à 10 rayons de caractéristiques de ces amas. Et on a trouvé des résultats assez surprenants qu'on essaie de comprendre. En particulier, il y a des galaxies qui tombent pour la première fois dans les structures. Il y en a d'autres qui rentrent, qui sortent, mais elles ne vont pas très loin. Elles vont à typiquement deux fois, trois fois le rayon de l'amas. Et donc on voit, dans certaines catégories de masses, dans les grandes masses de galaxies, on voit une transition très forte parmi les galaxies fertiles entre la fraction qui tout à coup devient plus grande quand on s'éloigne au-delà de ces deux, trois fois le rayon de l'amas, parce qu'on n'a plus que des galaxies très fertiles qui tombent pour la première fois et qui ne perdent pas leur fertilité à cause de cet environnement hostile des amas de galaxies. Voilà le reportage du jour autour de cette notion des limites et de ce qui définit les amas de galaxies. Une réaction, est-ce que vous venez d'entendre, Hélène Courtois ? Alors, je viens d'entendre qu'il y avait des galaxies qui étaient fertiles ou qui étaient dans des environnements hostiles. Donc, je ne manquerai pas de poser la question à Gary Mamon la prochaine fois que je le vois pour qu'il continue de m'expliquer comment est-ce qu'il définit la fertilité d'une galaxie. C'est un élément qui me laisse songeuse. Mmh. On va revenir au point où nous étions. J'imagine que c'est le taux de naissance d'étoiles au sein de la galaxie, mais c'est vrai que ça doit être des nouveaux paramètres qui mettent en place dans leur recherche et c'est très intéressant, je trouve. Eh bien, on refera une émission à cette occasion sur la fertilité ou la stérilité de certaines galaxies. Revenons à la Niakea, donc, et à cette cartographie du cosmos. Expliquez-nous en quoi, finalement, et c'est important que ce superamas, donc la Niakea, est plus qu'une simple nouvelle adresse cosmologique. C'est vraiment un bouleversement paradigmatique dans notre conception de la structure et de la répartition des galaxies dans l'univers. Vous proposez une autre dimension à la cartographie spatiale. Oui, Hélène tout Courtois. À fait. Donc, en fait, la Niakea, ça a fait du bruit parce que c'est un concept, c'est une nouvelle idée. C'est qu'on est capable de définir des structures par les bassins versants gravitationnels. Au lieu de dire telle galaxie appartient à telle structure parce qu'elle est à côté, et en fait on ne sait pas, c'est juste parce qu'une personne a dessiné un ensemble. Là, on voulait définir de façon physique. Comme là, ce qui a été expliqué sur les amas de galaxies, on définit un amas de galaxies par la vitesse d'une galaxie d'appartenir à cette région de l'espace dont elle ne peut pas après s'échapper, elle va venir, elle va tomber dedans et elle va rester à cet endroit-là. Et donc, comment est-ce qu'on définissait par la physique la structure au-dessus, mais la plus grande structure dans l'univers, parce que c'est la dernière structure avant l'univers. Et donc, tout à fait comme dans les amas, ce qui compte à cette échelle-là, c'est la gravitation. Les autres forces universelles ne jouent pas sur de si grandes distances, il n'y a que la gravitation. Et donc, nous, on a proposé ce concept qui est le bassin versant gravitationnel. On sait très bien définir, en France, les bassins versants. Mmh. On sait que, par exemple, si on prend les monts du Lyonnais, si de l'eau tombe d'un côté d'un versant ou de l'autre versant, ça va aller soit vers l'Atlantique, soit vers la Méditerranée. Et ça sera toujours pareil. Il y a une ligne de crête. On sait définir en France les lignes comme ça. Et dans l'univers, on s'est dit, ben voilà, ça c'est une méthode qu'on a adoptée en fait vraiment par analogie qui vient de l'hydrographique. On s'est dit, on peut définir les endroits de divergence où des galaxies vont dans une direction et d'autres galaxies vont dans une autre direction. Et si on fait ça dans un volume et pas seulement à deux dimensions, on est capable de délimiter donc une ligne de crête, une surface qui englobe tout un volume et à l'intérieur duquel, si on mesure le déplacement d'une galaxie, ce mouvement-là, il est convergent à l'intérieur de ce volume. Cette galaxie ne va pas s'échapper par la gravitation sur un autre volume, sinon c'est un autre bassin versant. Et quand on a fait ça, on a tracé autour de nous tous les mouvements des galaxies qu'on était capable de trouver, et on a trouvé cette frontière. Alors cette frontière, elle passe à des endroits vides. Parce que c'est là où il y a la divergence dans la gravitation. Ça passe pas par des pleins, donc c'est encore plus difficile de trouver parce qu'il faut trouver le milieu d'un vide en réalité. Donc c'est assez compliqué. Alors on le trouve en faisant de la géométrie, de la cartographie. Et quand on a trouvé le bassin versant auquel on appartient, et comme on l'a dit tout à l'heure, on est un petit peu en périphérie. Donc à voir si dans l'avenir, on appartient toujours à l'Aniakea ou pas, parce que nous, notre galaxie, elle est située un petit peu près de cette ligne de crête entre le super amas voisin, qui s'appelle Persée-Poisson, et l'Aniakea. Donc le nôtre n'avait pas de nom. Quand on a défini cet objet, qui est 100 fois plus gros que ce qu'on appelait le super amas local, donc de nous jusqu'à l'amas de la Vierge, il n'avait pas de nom. Donc on est allé voir un sage hawaïen, un professeur en ethnographie à l'université d'Hawaï, parce qu'on utilise beaucoup les télescopes hawaïens, et puis parce qu'on voulait rendre hommage aux navigateurs polynésiens qui suivent les courants marins, en fait, pour se repérer. Ils sont capables de partir de Tahiti avec une espèce de radeau et trouver Hawaï. Je mets au défi n'importe quel super bon navigateur de le faire. C'est à peu près 7000 km dans un océan où il n'y a rien, et en fait, ils retrouvaient toujours sans mourir de faim, donc en un temps raisonnable, et parce que déjà ils naviguaient aux étoiles et en plus ils suivaient les courants océaniques. Ils avaient réussi à faire une cartographie marine en plus d'une cartographie céleste. Donc nous on s'est dit bon, on suit les flots de matière dans l'univers, donc on va quand même payer hommage un peu. Donc on est allé voir cet Hawaïen parce que c'est les seuls qui ont le droit de nommer les choses. Et là il s'est mis à jeûner. Et là, on s'est retrouvé devant une sorte de conflit intérieur, et on s'est dit oulala, qu'est-ce qu'on a fait ? Parce qu'on lui a expliqué notre découverte. Voilà, on mesure des galaxies, on est des cosmographes, et on a trouvé une frontière, c'est 100 fois plus grand, quoi. Et puis ça a pris un jour, deux jours de jeûne, trois jours de jeûne. On est allé le voir, on lui a dit et il nous a expliqué que les mots viennent à eux, c'est pas eux qui réfléchissent à des mots en fait. Et au bout de trois jours, effectivement. Il est venu nous voir et il nous a dit... Alors, c'est un gars qui est très sympathique, qu'on peut voir sur Internet, qui s'appelle Nawa Napoléon, comme nom, et qui est rondelet, donc il n'y a pas de problème. Il a fait ses trois jours de jeûne et il nous a dit, le problème, c'est que j'ai deux noms qui me sont venus. Aina Nui Nui, qui veut dire la grande maison dans les étoiles, notre grande maison dans les étoiles, et l'Aniakea, qui veut dire horizon céleste immense. Moi, j'ai voté pour Aina Nui Nui, parce que je trouvais la grande maison dans les étoiles, c'était vraiment, ça donnait un sens de l'humanité, un englobement, enfin voilà. Et tous les autres ont voté pour l'Aniakea. Du coup, c'est l'Aniakea qui l'a remporté, mais vraiment, j'adore ce nom, et en plus, ils ont eu raison. Parce que on voulait aussi ne pas donner le nom d'une personne à cet environnement céleste, à notre habitat. On voulait donner un nom qui puisse être dit par tout le monde. Donc la langue hawaïenne, elle a ça de bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup de voyelles dedans. Et c'est un nom qui est prononçable, en fait, par absolument tout le monde sur la planète. Alors, si on veut le faire à l'hawaïenne, il faut le faire lentement et en laissant traîner le... Donc, c'est l'Aniakea, voilà. Mais bon, je l'ai entendu déjà dit par beaucoup d'ethnies différentes et tout le monde arrive à le dire. Donc, c'est un très, très beau nom qu'on a complètement adopté. Deux choses importantes, Hélène Courtois. Il nous reste une petite dizaine de minutes. D'une part, vous dites que c'est une carte en trois dimensions. En fait, pour être précis, c'est une carte en quatre dimensions parce que c'est une carte qui prend en compte précisément l'attraction gravitationnelle dans le temps. Et c'est ça aussi qui est un vrai changement paradigmatique par rapport à la cartographie spatiale. Oui, tout à fait. Tout à fait. Comme analogie, on peut dire que c'est un peu comme l'ère du GPS où c'est mettre le mouvement dans la cartographie. Si on fait une cartographie d'une plaque continentale par rapport à une autre plaque continentale, en fait, on va faire une cartographie assez plate. Si on a le mouvement des deux plaques et la poussée des Alpes, par exemple, donc si on a une notion du temps, effectivement, c'est une quatrième dimension. Et là, on commence à faire une cartographie. Donc là, je parle de géographie terrestre, mais c'est ce qu'on fait dans l'espace. Puisque nous, on fait ça en mouvement. Donc, les mouvements nous ont permis de repérer un bassin versant et on essaye de calculer maintenant si ce bassin versant bouge légèrement. Donc, si on a répondu ou pas complètement à la question de où on va avec notre galaxie et les galaxies autour de nous. Et puis, comment à cette zone de divergence entre les deux plaques, donc ce continent Persée-Poisson qui est à côté de nous, donc on est entouré par d'autres bassins versants. Il y a Persée-Poisson, Coma, qu'on appelle aussi la chevelure de Bérénice en français. Donc il y a l'Aniakea, et un peu plus loin, il y a Chapelet, il y a Lippus. Donc maintenant, on commence, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'en 2014, on a fait ce qui s'appelle une percée en cosmologie ou en recherche. Mais c'est un concept, et quand on a trouvé une chose une fois, c'est pas terminé, parce qu'on ne sait pas si c'est un gros, si c'est un petit, si c'est un moyen, ce super amas. Il faut qu'on en trouve d'autres, il faut qu'on les compare. C'est comme si on a trouvé des collines ou la Méditerranée, on n'a pas encore trouvé des océans, on n'a pas encore trouvé l'Himalaya. Donc il faut continuer la cartographie pour être capable de voir la population en fait de super amas, sachant que c'est... Que les tailles deviennent des tailles assez raisonnables. La cartographie aujourd'hui... raisonnable pour une cosmologiste peut-être. Non, mais je vais vous emmener dans mon monde, vous allez voir. Avec plaisir. La taille de la cartographie aujourd'hui, c'est à peu près 1 milliard d'années-lumière. Ça peut paraître beaucoup, mais retenez 1. Voilà, 1 milliard d'années-lumière. C'est à peu près la taille de la cartographie. Mais finalement, autour de nous, l'univers, l'horizon de l'univers observable n'est pas si loin parce que... On dit que l'univers à la louche, on va faire de l'astronomie à la louche, l'univers a à peu près 15 milliards d'années. 14. Bon, allez, 14. Le problème, c'est que je ne sais pas faire... 15, c'est la grosse louche. D'accord. Bon, alors, 13,7, 13,8. Bon, on va reprendre 15 quand même, parce que... Ça va m'arranger. Donc, okay. Bon, sinon, vous allez multiplier 14 par 3. Allez-y. 28 et 14, 42. 42, ok. Alors, et en plus, 42, c'est la réponse dans l'univers. Donc, on a, depuis le Hitchhiker galactique, c'est 42 la réponse. Donc, très bien. Du voyageur intergalactique. Voilà, le guide du voyageur intergalactique. Alors, 42. L'univers fait 14 milliards, a comme âge 14 milliards d'années. Donc, la plupart des gens me disent, d'accord, tu peux observer jusqu'à 14 milliards d'années-lumière. C'est-à-dire que les photons qui sont partis il y a 14 milliards d'années ont voyagé. Tu m'as expliqué, voilà, que c'était la vitesse de la lumière. Donc, alors, je leur dis, mais non, tu as oublié une donnée. L'univers est en expansion. C'est comme toi, quand tu es né, tu faisais 50 cm. À 15 ans, tu as pris 3 fois ta taille, tu faisais 1,50 m, à peu près. On fait ça à la louche. Eh bien, aujourd'hui, l'univers a pris 3 fois sa taille. D'où le 42. 14 fois 3, en fait, l'horizon observable, les galaxies les plus lointaines, alors si elles se sont formées tout de suite, mais en tout cas, les objets lumineux les plus lointains qu'on peut observer, c'est à 42 milliards d'années-lumière de nous. Et je vous ai dit que la taille de la carte d'aujourd'hui, c'est 1. Donc en fait, c'est 1/42e, en fait, ce qu'on a cartographié. C'est pour ça que ça devient raisonnable. Alors, ça devient raisonnable quand on joue à ce jeu-là dans la distance. Quand on le fait en volume, par contre, il y a un puissance 3 qui arrive, qui fait assez mal. Et là, en fait, on a mesuré 1/1000000ème du volume qui est à cartographier, en réalité. Une question, la dernière, mais on pourrait poursuivre cette émission pendant des heures avec vous, Hélène Courtois. Une question, parce qu'on revient finalement au point de départ de vos travaux, celui du grand attracteur, puisque sur ces filaments, hein, qui sont ces rivières galactiques sur lesquelles s'agrègent les galaxies et vers lesquelles tendent les galaxies, dont la nôtre, on parle du grand attracteur. On ne sait pas encore ce que c'est, mais malgré tout, qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là? Qu'est-ce qu'on voit? Que deviennent les galaxies une fois qu'elles ont atteint cet endroit-là? Quels sont les éléments dont on dispose? En quelques mots, puisqu'il ne nous reste plus énormément de temps, mais il nous en reste encore un petit peu, donc vous pouvez vous nous expliquer ça. Il nous reste tout le temps de notre vie. C'est ça, absolument. Jusqu'au bout pour essayer d'observer et de comprendre. Alors, qu'est-ce qu'il y a au centre de l'Aniakea? Alors vraiment, le grand attracteur, c'est le cœur de l'Aniakea. Et le cœur de l'Aniakea, c'est un ensemble d'amas. de galaxies, donc des amas très concentrés, comme nous a expliqué Gary Mamon, avec des milliers de galaxies. Et c'est vrai, quand on regarde le centre, finalement, c'est pas exactement à l'endroit qui était caché derrière la Voie lactée. En fait, quand on regarde ces cinq rivières gravitationnelles, donc c'est comme des artères qui arrivent comme ça vers le cœur de l'Aniakea. Il y a cinq grands filaments. Grands filaments sur lesquels voguent les galaxies. Sachant que les galaxies apparemment ne compterait que pour 1/5 de la matière totale. Donc en fait, c'est des filaments, c'est des océans de matière invisible sur lesquels voguent les petits baryons dont nous faisons partie. Et donc, à cet endroit-là, il y a énormément de vrais amas de galaxies et aussi beaucoup de matière invisible. Donc c'est ça qu'on ne sait pas encore. Par contre, est-ce que nous, de là où on est, est-ce que les galaxies vont là et qu'est-ce qui se passe quand elles vont là? En fait, il ne se passe pas grand-chose parce qu'il y a toujours l'expansion et actuellement une expansion accélérée. Donc en fait, il se disperse l'Aniakea. Donc nous n'arriverons jamais au centre de l'Aniakea. En réalité, une galaxie, même si elle se déplace très très vite, notre galaxie se déplace à 630 km par seconde. Chaque seconde, là, on fait 630 km dans l'univers. Depuis qu'on a commencé l'émission, on a fait des centaines de milliers de kilomètres avec notre galaxie en direction du centre de l'Aniakea. Mais parce qu'il faut ajouter l'expansion, par ailleurs. Voilà, en plus. Mais on n'y arrivera jamais, en fait, parce qu'on est trop loin. Celles qui sont assez près maintenant peuvent aller plus près du centre de l'Aniakea, mais tout ce qui va leur arriver, c'est éventuellement des fusions de galaxies. Mais ça, c'est la vie normale des galaxies. Hein. La vie est un long fleuve tranquille pour une galaxie, sauf qu'il y a des fusions quasiment... c'est la courbe de Madao, vous pouvez faire une émission sur ça aussi, c'est le taux de fusion, le taux de collision des galaxies, en fait. Et c'est ce qui fait qu'elles ont ces belles formes spirales, d'ailleurs. Hein. C'est parce qu'elles se rentrent dedans, qu'elles tournent, qu'il leur arrive plein d'histoires. Sinon, ça serait vraiment en fait assez ennuyeux. Des ellipsoïdes. Voilà, pas très marrant. Donc, au centre de l'Aniakea, il y a des amas de galaxies, il y a beaucoup de matière invisible. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas très... Il n'y a pas beaucoup de structures, il n'y a pas beaucoup de variations à cet endroit-là. J'ai une analogie qui n'est pas très jolie, mais c'est la meilleure que j'ai, hélas. C'est un peu le fond d'une baignoire. C'est-à-dire que quand vous regardez le fond de votre baignoire, si vous ne savez pas où est la bombe, vous dites, ça c'est plat, quoi. Mais en fait, ce n'est pas plat, il y a une légère pente et il y a un endroit par lequel peut s'écouler l'eau. Mais là, c'est pareil. Le fond de l'Aniakea, c'est une sorte de vallée du Nil. Ça dégouline vers là. Mais en fait, c'est assez plat, il n'y a pas de structure, il n'y a pas un vrai centre. C'est une sorte de vallée assez plate, gravitationnelle, voilà, assez tranquille finalement. C'est pas un endroit cataclysmique. Voilà. Bon, bien, vous voyez, on aurait encore des heures et des heures à filer à 640 km seconde pour continuer à raconter cette structure du superamas, l'Aniakea. Peut-être des progrès en un mot et demi, Hélène Courtois, avec les prochains télescopes, la nouvelle génération de télescopes qui devrait nous permettre de voir, de comprendre un peu mieux cette structure. Voilà, tout à fait. Alors, il y a deux types de nouveaux télescopes parce qu'on est à nouveau un petit peu dans une impasse technologique. L'histoire se répète toujours. Donc, il y a des multi-antennes qu'on construit en Afrique du Sud, en Australie. Donc, plutôt que de faire des très grand, on fait plein de moyens, mais beaucoup, 64 antennes de 15 mètres. Et puis sinon, c'est des télescopes spatiaux, par exemple Euclid, qui est un télescope européen qu'on va envoyer dans l'espace en 2021, et là qui va nous permettre de faire de la cartographie de millions de galaxies. Eh bien, vous reviendrez peut-être plus tôt pour nous raconter encore plein d'histoires passionnantes sur la structure de notre univers. Merci beaucoup, Hélène Courtois, d'avoir été notre invitée. Merci aussi à toute l'équipe de la méthode scientifique. Ève Etienne, Antoine Beauchamp, Nomi Naguette Saint-Villefranc, Céline Lausanne, Hugo Bartholomé, Elisabeth Miro à la réalisation, Éric Boisset à la technique. Merci à vous. Et demain, notre troisième grand explorateur de la semaine nous fera plonger dans les arcanes parfois inquiétantes du développement de l'intelligence artificielle à l'heure où une IA a réussi à en produire une autre plus complexe qu'elle-même. Jusqu'où les algorithmes sont-ils capables d'en fauter d'autres ? Réponse demain avec Jean-Gabriel Ganassia à 16h, jusqu'à preuve du contraire.